Bonjour les amis, welcome to French Pod America. Bonjour à tous, je m'appelle Amaury. It's Halloween time and the mystery is, do French people celebrate Halloween? C'est ce qu'on va voir dans cette leçon. Right, we're gonna find out in this dialogue, right? Oui. We have a man who just walked in the house after work and he's gonna have a conversation with his wife about something he just saw outside. Qu'est-ce qu'il a vu? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans le dialogue. Chérie, je viens de voir la petite déguisée en sorcière dans la rue. Ne t'inquiète pas, c'est son costume d'Halloween. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Elle va faire le tour du voisinage ce soir pour demander des bonbons. C'est nouveau ça, ce n'est pas une tradition de chez nous. T'es vraiment vieux jeu. De plus en plus de gens célèbrent Halloween. En tout cas, pas moi. Allons chérie, regarde le magnifique costume de squelette que je t'ai acheté pour accompagner les enfants. Quoi? Tu plaisantes? Et oui, le pauvre homme croit avoir un cauchemar. Right, because he's walking home and he sees his daughter, la petite. What did he say? Je viens de voir la petite. In French, you can say that, the little. Oui. A lot of people call their kids that. Where's la petite? Where's the little one? Exactement. C'est une façon mignonne de désigner la fille. I think it is really cute. Oui. So, il vient de voir la petite. What was weird about her? Elle était déguisée en sorcière. So, wearing a costume. Déguisée en. Okay. That's an interesting structure. Déguisé. Oui. We can hear. And then en, no article. Elle est déguisée en... Ici, sorcière. Sorcière. A witch. Oui. And he saw her dans la rue. Oui. Déguisée en sorcière. Qu'est-ce qu'elle fait là? What on earth? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Sa petite. So should he be worried that she's joined a cult? Mais non, ne t'inquiète pas, lui dit sa femme, puisque c'est son costume d'Halloween. So, if I portais un costume d'Halloween, oui. Je suis déguisée. Exactement. Okay, so, what's his reaction? He's like, oh great, we started a new holiday. On dirait qu'il ne comprend pas. He doesn't get it? Non, il dit... Qu'est-ce que c'est que ces histoires? That's a hilarious expression. It's one of my most favorite French expressions. Alors je vais la redire pour toi. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? What on earth are these stories here? In other words, what is this craziness? Exact. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? He thinks it's pretty ridiculous. So she explains to him what la petite is going to do in son costume d'Halloween. It doesn't end there. She's got plans. Avec son costume de sorcière, la petite va faire le tour du voisinage. The what? Voisinage. So the neighborhood. Oui. Le voisinage, the area. Oui. She's gonna do what in it? Faire le tour du voisinage. Does that mean she's gonna hire a tour guide and have him show her all the houses while she's déguisée en sorcière? Pas vraiment, Erika. Bien essayé, mais non. Non, évidemment, elle va aller de maison en maison. She's really just gonna be walking around. Exactement. Elle va faire le tour du voisinage. So she can scare everybody? Bah oui, mais en plus, elle va demander des bonbons. So that's the verb to go trick or treating. Demander des bonbons. Voilà. Des bonbons. Les bonbons, c'est joli comme mot. So they ask for candy, they don't demand it, and threaten a trick if they don't get it. On va voir que les petits Français n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Okay. What do they say when they ask? On peut avoir des bonbons, s'il vous plaît? Oh, that's so cute. Can we please have some candy? French kids are so nice. You said before because they're not as used to this. Why? Parce que c'est nouveau, ça, Halloween. And that's kind of what he says. He says, mais c'est nouveau, ça. Ben oui. But he doesn't really mean it, like, literally. That's a new thing. It also is a figurative meaning. It's like expression. Tout à fait. Ici, c'est pour dire que c'est inattendu. Not expected. Exactement. Ils n'ont jamais fait ça avant. Et ils voient sa fille dans la rue. Oh, well, that's a new one. Voilà. That's a new one. Mais c'est nouveau, ça. Déguisé en sorcière. It's a little sarcastic. Oui. So, for example, what did you do last night? Eh bien, je suis allé à mes cours de danse. What kind of dance? Du ballet. No. The links you go to, for example, Zamri. Mais c'est nouveau, ça. Inattendu, hein? Yep, definitely. Perfect example to illustrate. Et donc, il donne son explication. Okay. Ce n'est pas une tradition de chez nous. When he says that it's not a tradition in our house, yeah. First he means in their actual house, this particular family, right? Yeah. But that's also how you say in French, our country, in our people, our culture. Voilà, ça a les deux significations ici. So he's also meaning chez nous, chez les Français. Voilà. Ici, en France, dans notre pays, ce n'est pas une tradition. Exactement. That's really common expression. If I would say like, well, in America, we don't do that. I'd be like, oh yeah, we don't do that chez nous. My peeps, don't do that. And chez vous, oui. Chez les Français, chez nous, ce n'est pas une tradition. Okay. So his wife's like, you're so behind the times. Tu es vraiment vieux jeu. Vieux jeu. Literally old game. You're yeah. really old game. And it means you're like so behind the times. Exactement. You're so out of it. You're so passé. Tu es vraiment vieux jeu. Parce que aussi, elle a son explication. De plus en plus de gens célèbrent Halloween. De plus en plus de. Ouais. More and more. De plus en plus de. So, de plus en plus de people have computers. Tout à fait. De plus en plus de gens arrêtent de fumer. But it doesn't always have to be people. For free time, for example, if I said, j'ai de plus en plus de temps libre. C'est très bien pour toi, ça, Erika. It's not really true, I'm just saying. Ah. Example. But en France, chez vous, oui. de plus en plus de gens célèbrent Halloween. C'est, et ça, c'est tout à fait vrai. So, is he convinced? Is that enough to be like, okay, well, let's do it too? C'est là qu'il dit, en tout cas... Pas moi. What is the en tout cas here? Why does he say en tout cas? Eh bien, ça veut dire eh bien, pas moi, dans tous les cas. Yeah, well, not me. Voilà. En tout cas, pas moi. Il est contre, en fait. He's not digging it. Exactement, ouais. On voit quand même qu'il est un peu vieux jeu. So she tries to tempt him by telling him that she got him something. A magnifique costume. What kind? De squelette. A skeleton. Squelette. So not only is she gonna make him be déguisé en squelette, he's gonna go out in public. Exactement, ouais. C'est pas pour une fête privée, puisqu'elle a acheté le costume de squelette pour accompagner... Les enfants. When they font le tour du voisinage ouais. pour demander des bonbons. Voilà. Il va l'accompagner. Accompagner la petite et les amis de la petite aussi. Oh, en plus. Ah, j'imagine. Il y aura them too. Wow, it gets better and better. And he has a reaction that I think at this point we would expect him to have. Quoi? Tu plaisantes? He must be kidding. Quoi? Peut-être toi, chérie, va porter ce costume de squelette pour accompagner les enfants, mais pas moi. En tout cas, pas moi. Right. Mais bon, il dit ça, mais moi je vous dis, je suis sûr que ce soir on va le voir dans la rue avec les enfants. All right, well, let's listen to the dialogue again. Chérie, je viens de voir la petite déguisée en sorcière dans la rue. Ne t'inquiète pas, c'est son costume d'Halloween. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Elle va faire le tour du voisinage ce soir pour demander des bonbons. C'est nouveau ça, ce n'est pas une tradition de chez nous. T'es vraiment vieux jeu. De plus en plus de gens célèbrent Halloween. En tout cas, pas moi. Allons chérie, regarde le magnifique costume de squelette que je t'ai acheté pour accompagner les enfants. Quoi? Tu plaisantes? So let's talk about Halloween in France. Is this a typical conversation? Cette discussion a encore lieu, bien sûr. Yeah, between French parents. Bah oui, parce que les parents ne sont pas toujours ne l'ont pas fait, comme c'est quelque chose de récent. C'est nouveau, ça. C'est nouveau. Donc ils ne sont pas encore convaincus, mais il y a 20 ans, on ne le faisait pas en France. Ça n'existait pas. But now, de plus en plus de gens célèbrent Halloween. Tout à fait. De plus en plus d'enfants portent les costumes pour Halloween. Oui. Why? Is it because they don't feel like they get enough bonbons throughout the year? Peut-être, oui. Non, c'est parce que on a vu que ça se faisait beaucoup aux États-Unis. Like in the movies and TV and stuff. Voilà. Et donc, à un moment, ça a été importé. C'est arrivé en France il y a 10 ans. C'est marrant, après tout. Et donc, maintenant, comme ça a commencé... You have these couple disputes... These domestic disputes. Are we going to let la petite faire le tour du voisinage and dress in, you know, les costumes and all that? Mais c'est pour demander des bonbons quand même. Maybe they don't realize yet that the best part of letting les petites faire le tour is the parents get to eat all the candy. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de bonbons? Well, yeah, my parents used to steal all my candy. Ma... They would go through and pick the ones they wanted. Bah, c'est nouveau ça. So, yeah. J'ai jamais entendu parler de que des bonbons prenaient les bonbons des enfants. Well, he'll see this dad here. I bet you next year he'll be cool with it. L'année prochaine, il voudra célébrer Halloween. Right. Okay, so if you have any questions about this lesson, you can come to FrenchPie.com and ask us. Or if you want to talk about Halloween or traditions, come to the site FrenchPie.com and leave your comments. Merci. Bonne fête d'Halloween. Au revoir. Salut.